Shahid, as we live, as we die. Je me présente, mec de 13 ans, j'ai la peubarde. Je sais pas qui je suis, hein, bête, tu peux te marrer. Bon, c'est vrai que mes poumons craquent. J'ai presque la gueule d'un kraken. J'vais d'avromax, ça me fait zapper les croches, pas et les claques. Toujours la même tête, la même banc, la même taille. La même merde, le même temps, la même guerre, j'ai besoin de zay. Faut que j'pédave un joint, somme la drogue, j'ai besoin d'elle. J'suis écrit, c'est pour ça que j'marche seul. Je me présente, m'appelle Eddie, 23 piges, dealer de shit. La street m'a blasé, Huggy, H24, dealer que le bise. Tourne comme un hit, le doute comme un mythe. Pour le cash, je m'excite, je kiffe le H, l'illicite. Perdu dans ma fonte, je perdure dans l'excès. La vertu effacée, la verdure, mon succès. Je roule mon spliff, je tire ma taf, je prends mon pied, je kiffe, finis par prendre une baffe. D'abord c'est RER bus, spliff au bec, putèche, niveau D, tu ne le coches, je m'en rappelle plus. Derrière les miss me matent, un jean Levi's, des baskets. Mon air ravi de dragueur, mais je veux mon shit et ma plaquette. Le réveil sonne, j'ai le seum, 14h, c'est trop chum. Mal au beat, gros choc, le meilleur antidote. Je peux essayer mon froc, m'assied sur le socle. Les deux pieds sur le sol, tire une latte et décolle. Putain, ce con doit chier. Mais qui vient me faire chier? Putain, j'ai besoin de ça. Qu'est-ce qu'il vient chercher? Ouais, c'est pourquoi? Un 30 balles, s'il te plaît, fais ça en chrome. En ce moment, j'ai pas de thune, mes potes ont ça. Mais sincèrement, en ce moment, je leur parle plus. Marocco en poche, je descends travailler. Le gras c'est mon gagne-pain, j'ai besoin de grailler. Je laisse jusqu'à demain pour me payer. Surtout fais pas le malin, sinon ça va saigner. Moi je veux la thune demain. Ouais, t'inquiète, y'a pas de soucis, demain je te la ramène sûr, gros. Ok. Oh là là, c'est quoi là-bas? C'est trop de la balle. Elle est bonne, mais comme ça je connais pas. Cœur, mini jupe, talon aiguille. Mimi, fais ta série, puis qu'elle est célib. Une jeune fille talentissime. Je vois ses potes se marrer, garer. Je le touche les feux, je veux me barrer. La deux blonds fixe, meilleuse. J'ai envie de lui croquer le ins gauche. Putain, la chante, j'ai la gauche. J'ai déjà tout graille, y'a plus de mise dans l'hexagone. Posé en bas du bloc, les petits font le guet. Je sers une équipe de phoques, je dois la jouer discret. Chaque passant devant moi m'amène à psychoter. Chaque seconde j'imagine les bleus venant me serrer. C'est pire qu'un film de boule, des stories plein la tête. Une team propose son boule en échange d'une barrette. Je la recale direct, je veux du cash pas de schneck. Pas le temps pour ces conneries, je dois paniquer le bénef. J'ai perdu la mémoire, je viens à la Steven Spielberg. Le bédo me rend parano, je parle seul et puis fait des choses louches. Moi je vois des rêves assez. Je vois des lumières qui ont du mal à s'éteindre. Bref, dans le sang, j'ai du shit et de la nicotine. Respecte mon bisia, ni carotte, ni combine. T'inquiète, je te garde dès que j'ai besoin de pilon. Arrête ton détail, appelle pour des kilos. Ce n'est rien qu'une story. Pas de grande théorie. De jeunes plongés dans la fumée qui planent au-dessus de leur vie. Souffler n'est pas joué. Quand c'est du THC. Cramer, rouler, tirer. Et ça y est, THS.